Avant de partir, j'exerçais mon nouveau talent poétique dans une épître au colonel Godard où je le drapais de mon mieux. Je montrais ce barbouillage à Madame de Merveilleux qui, au lieu de me censurer, comme elle aurait dû faire, rit beaucoup de mes sarcasmes, de même que son fils, qui, je crois, n'aimait pas M. Godard. Et il faut avouer qu'il n'était pas aimable. J'étais tenté de lui envoyer mes vers. Ils m'y encouragèrent. J'en fis un paquet à son adresse, et comme il n'y avait point alors à Paris de petite poste, je le mis dans ma poche, et je le lui envoyai d'Auxerre en passant. Je ris quelquefois encore, en songeant aux grimaces qu'il dut faire, en lisant ce panégyrique, où il était peint, trait pour trait. Il commençait ainsi. « Tu croyais, vieux peinard, qu'une folle manie d'élever ton neveu m'inspirerait l'envie. Cette petite pièce, mal faite à la vérité, mais qui ne manquait pas de sel, et qui annonçait du talent pour la satire, est cependant le seul écrit satirique qui soit sorti de ma plume. J'ai le cœur trop peu haineux pour me prévaloir d'un pareil talent. Mais je crois qu'on peut juger par quelques écrits polémiques faits de temps à autre pour ma défense que, si j'avais été d'humeur batailleuse, mes agresseurs auraient eu rarement les rieurs de leur côté. »